C'est le même combat dans tous les domaines. Donc, soit l'Afrique est carrément oubliée, soit les Africains sont oubliés, soit ceux qui discutent par rapport aux Africains et l'Afrique n'ont aucune notion, en fait, aucune idée de la réalité de l'Afrique et puis de la réalité de ces Africains. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait, c'est très important de revenir avec, de retourner avec justement toutes les doléances donc, des Africains qui me parviennent dans toutes ces commissions pour pouvoir lutter pour leurs intérêts. La plupart du temps, par exemple, je suis très régulièrement invité à la chancellerie quand il s'agit des projets de loi. Et là, il s'agit par exemple de lutter pas seulement pour les Africains, mais également pour les étrangers en général, parce que les projets de loi concernent tous les étrangers, ils ne concernent pas seulement les Africains. On a un projet de loi sur la naturalisation qui est en train d'être discuté. Afrique Média, le monde, c'est nous.